Chers auditeurs, bonjour. Vincent, au micro de ERFM, vous allez vivre l'heure la plus sombre. Triangulation, repères pour des temps incertains, c'est le titre du dernier livre de Michel Drac, publié aux éditions Le Retour aux Sources. Michel Drac, bonjour. Bonjour. Vous êtes écrivain, éditeur, et avez publié de nombreux ouvrages portant sur l'économie et la géopolitique. Ce sont ces questions que nous allons aborder aujourd'hui. Merci d'avoir accepté notre invitation. Chers auditeurs, comme chaque semaine, je suis accompagné de mon camarade Xavier de la rédaction d'Égalité et Réconciliation. Xavier, bonjour. Bonjour Vincent, bonjour Michel Drac, bonjour à tous. Triangulation pour trois conférences organisées par Égalité et Réconciliation, portant sur trois thèmes, la géopolitique, l'économie et la politique intérieure. Michel Drac, dans votre livre Triangulation, vous consacrez un chapitre entier à ce que vous appelez la stratégie de la tension. Comment interprétez-vous les attentats du vendredi 13 ? Alors, il est un peu tôt pour dire comment on les interprète, parce qu'en général, dans ce genre d'affaires, ce qu'on a observé précédemment, c'est que... Il faut attendre quelques mois, voire quelques années, pour qu'on ait le minimum d'informations nécessaires pour se faire une opinion sur ce qui s'est vraiment passé. Si on admet, cela dit, qu'il s'est passé ce dont, pour l'instant, nous avons connaissance, ce qui est une hypothèse, mais elle n'est pas forcément exacte. Je vous rappelle que on nous a dit un certain nombre de choses. On nous a dit... que 8, je crois, terroristes djihadistes avaient commis des attentats le 13 novembre à Paris. On nous a dit que ces terroristes djihadistes s'inscrivaient dans les réseaux de ce que l'on appelle l'État islamique, et dont on a d'ailleurs du mal même à définir ce que c'est. On ne comprend pas très bien ce qu'est la nature de cette entité. Bon, mais ça, c'est ce qu'on nous a dit. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a eu des attentats. Ce qui est sûr, c'est qu'ils ont fait beaucoup de morts. Le bilan officiel, je crois, c'est 130 morts. Mmh. Bon. Nous n'avons pas de raison à ce stade de remettre en cause la matérialité de ces faits. Mais pour le reste, nous ne savons pas ce qui s'est passé en réalité. On nous a dit qu'il s'était passé certaines choses, mais on nous dit ce qu'on veut bien nous dire. Donc, il faut être extrêmement prudent à ce stade dans toute interprétation. Cela dit, si on admet le récit officiel, ce que j'en pense, c'est que on va au-delà de la stratégie de l'attention. Je veux dire par là que quand on analyse les stratégies de l'attention qui se sont déroulées par le passé, en général, lorsqu'elles étaient uniquement à visée de politique intérieure, elles ne déployaient pas un niveau de violence pareil. Il y a une exception, c'est l'attentat de la gare de Bologne, où là, effectivement, on est à peu près sur le même niveau de violence, mais il est possible que l'affaire ait été mal maîtrisée. Là, en l'occurrence, l'affaire n'a pas été mal maîtrisée, il y a vraiment une volonté de faire un carnage. Ça va au-delà de la stratégie de l'attention, à mon avis, tout simplement parce qu'on n'a pas besoin d'un tel niveau de violence pour enclencher une stratégie de l'attention en France aujourd'hui. Il suffisait, entre guillemets, d'un niveau de violence sensiblement plus faible pour justifier, par exemple, un état d'urgence. Donc, à mon avis, sous toute réserve, on va au-delà de la stratégie de l'attention, c'est-à-dire que, bien sûr, il y a une stratégie de l'attention qui est à l'œuvre en France, on la voit très bien. On voit très bien que on profite, d'une certaine façon, du terrorisme pour justifier un durcissement progressif du modèle politique en France. C'est évident. Loi sur le renseignement, Patriot Act à la française, état d'urgence. Nous vivons à peu près ce que les Américains ont vécu il y a une dizaine d'années après le 11 septembre 2001. On le voit très bien. Cela dit, à mon avis, et sous réserve que ce qu'on nous a dit soit vrai, je pense que cette stratégie de l'attention, en l'occurrence, embraye sur des événements qui la dépassent et qui s'enracinent directement dans la géopolitique. Moi, j'ai tendance à penser que ce qui s'est passé tout simplement le 13 novembre 2015, à ce stade, c'est ma lecture. Encore une fois, elle est sous réserve que nous n'ayons pas méconnaissance à ce stade d'éléments essentiels. J'ai tendance à penser que ce qui s'est passé, si vous voulez, c'est que les Français ordinaires se sont d'un seul coup rendus compte qu'ils étaient en guerre. En fait, depuis 2011, notre pays est en guerre. Il a fait la guerre en Libye, il a fait la guerre en Syrie, il a fait la guerre au Mali. Il avait fait la guerre déjà avant, en fait, en Côte d'Ivoire, même si c'est un problème un petit peu distinct. Nous n'avons pas réalisé que ces guerres existaient parce que, la technologie aidant, le pouvoir contemporain a la capacité de déclencher des guerres presque imperceptibles pour la population de la métropole. Mais bel et bien, nous avons fait la guerre. Donc vous avez maintenant un discours qui est celui de François Hollande qui consiste à dire « Nous, Français, nous avons été attaqués ». Mais la vérité, c'est que, tout simplement, ceux à qui nous avons fait la guerre nous ont prouvé que la guerre, ça n'arrivait pas qu'aux autres et ça tuait vraiment des gens. Pour moi, c'est ce qui s'est passé le 13 novembre. Mais là, dans ce cas de figure, c'est un peu particulier puisque ce sont ceux qu'on a armés qui se sont retournés contre le gouvernement français. Alors, le gros problème dans cette histoire, c'est d'abord, qu'est-ce que l'État islamique ? Qu'est-ce que c'est ? C'est très bizarre cette histoire, parce que c'est pas logique de voir un groupe terroriste qui s'accroche au terrain. Normalement, la stratégie des terroristes, c'est hit and run. Un groupe terroriste qui structure un État, c'est un oxymore, si vous voulez. Bon, ensuite, cet État, entre guillemets, on ne sait pas s'il faut dire un État, c'est nous qui disons État islamique, hein. Eux disent le califat, hein, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Cet État, entre guillemets, il s'est installé dans des conditions très bizarres, avec quelques milliers de combattants qui mettent la main sur des territoires où il y avait des dizaines de milliers de soldats irakiens. Alors, c'est vrai qu'on peut se poser des questions sur le niveau de motivation des troupes irakiennes, on peut se poser plein de questions, mais enfin tout de même, c'est bizarre. Ça ressemble quand même à un moment à un pouvoir irakien qui est surtout chiite, qui recule volontairement, parce qu'au fond, il n'a pas du tout envie d'intégrer les sunnites, et qu'il est bien content qu'il y ait ce truc-là qui apparaisse au milieu pour préparer autre chose, une nouvelle carte. Qui, en réalité, est derrière ce surgissement ? Enfin, il faut voir que nous, occidentaux, je dis « nous », entre guillemets, hein, disons, nos gouvernants, ils ont financé, semble-t-il, plutôt la galaxie Al-Qaïda. Le front Al-Nosra, par exemple, très clairement, nous l'avons armé. Nous, Français, nous avons armé le front Al-Nosra. Alors, le prétexte officiel, c'est qu'on a voulu armer une fantomatique opposition syrienne modérée. Et puis ensuite, on s'est rendu compte que, ah, en fait, les armes passaient au front Al-Nosra. Mais tout le monde sait bien que c'est du pipeau. On a délibérément armé le front Al-Nosra. Mais le front Al-Nosra et l'État islamique, même s'il y a des passerelles entre les deux, c'est pas la même chose. L'État islamique, ça peut être quelque chose qui a émergé à la suite de l'action d'autres acteurs. Et puis ça peut être quelque chose qui a échappé à ceux qui l'ont fabriqué. Il semble qu'au départ, l'État islamique ait été financé par l'Arabie Saoudite et le Qatar. Mais il semble qu'aujourd'hui, il ait échappé à ses créateurs. Donc en fait, il est possible, c'est mon interprétation à ce stade, mais ça n'est qu'une interprétation, encore une fois, elle doit être très prudente. Il est possible qu'en l'occurrence, il y ait vraiment eu acte de guerre. C'est-à-dire qu'il est possible qu'il ne s'agisse pas d'une pure opération, d'un inside job, mais qui est réellement émergence d'une conflictualité. Surtout qu'il ne faut pas oublier que les gens que nous avons embêtés dans cette histoire depuis 4 ou 5 ans, enfin nous, encore une fois, entre guillemets, nos dirigeants, ce ne sont pas des enfants de cœur. Ce ne sont pas des enfants de cœur, ces gens-là. La République islamique d'Iran a, par le passé, utilisé le terrorisme. Le régime syrien a, par le passé, utilisé le terrorisme. Le KGB, au temps de sa splendeur, a beaucoup utilisé le terrorisme aussi. À force d'instrumentaliser le terrorisme de manière cynique, de provoquer des guerres qui ont fait maintenant dans le monde arabe, depuis 2011, des centaines de milliers de morts, parce que le bilan réel est terrible, en Libye, en Syrie, il est possible que nos dirigeants aient convaincu la partie adverse de la nécessité d'une contre-attaque réelle. Et ça, nous ne pouvons pas le savoir. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas savoir si les gens qui ont ouvert le feu dans les rues de Paris le 13 novembre ont été manipulés par des services de renseignement occidentaux afin d'enclencher une stratégie de la tension qui va au-delà de la politique intérieure française maintenant, qui concerne les relations internationales, ce qui est une interprétation possible, ou s'ils ont été manipulés par des services de renseignement opposés aux services de renseignement occidentaux dans une véritable stratégie d'intimidation. Et moi, quand je vois l'ampleur de l'attaque qui a eu lieu, j'ai tendance à penser que cette fois, c'est une vraie guerre qui commence. Parce qu'encore une fois, on n'a pas besoin d'un carnage pareil pour une stratégie de la tension dans la France d'aujourd'hui. C'est mon interprétation à ce stade. Mais donc une guerre entre qui et qui exactement, Michel Drac ? Ah mais c'est ce qu'on ne sait pas. C'est là que ça devient très compliqué. Bon, il y a une chose qui est évidente, si vous voulez. En dernière analyse, au niveau géopolitique, si vous voulez, par la force des choses, le conflit qui va structurer les autres, c'est toujours le conflit entre la plus grande puissance et la deuxième plus grande puissance, forcément. Parce que c'est du sort de ce conflit-là que dépendent, in fine, les résolutions de tous les autres conflits qui vont se greffer autour. Donc forcément, à un certain moment, c'est le conflit entre, on va dire, l'OTAN, d'un côté, et l'Organisation de coopération de Shanghai, de l'autre. Au niveau géopolitique, c'est là que se situent les grandes masses. Maintenant, au cas particulier de ce qui s'est passé le 13 novembre à Paris, d'autres conflits de moindre importance sur le plan géopolitique ont pu être à l'origine de ces actes à Paris. Il peut y avoir des conflits locaux. Par exemple, encore une fois, il ne faut pas croire que nos adversaires sont des enfants de cœur, enfin nos adversaires, que les adversaires de nos dirigeants sont des enfants de cœur. Quand j'entends Bachar el-Assad dire « ce que vous avez vécu en France, c'est ce que nous, en Syrie, nous vivons depuis des années, tous les jours », ça peut s'interpréter de plusieurs façons. Ça peut vouloir dire simplement bah « écoutez, je suis désolé pour vous, voilà ce qui vous arrive, vous avez enfanté un monstre, vous avez financé le djihadisme international et il s'est retourné contre vous ». C'est ce qu'il dit, en substance. C'est ce qu'il dit. Mais peut-être qu'il l'a aussi un peu aidé à se retourner. C'est possible. Attention, je ne porte pas de jugement de valeur. Enfin, mon opinion personnelle dans cette histoire, très honnêtement, c'est que nous, Français, n'avons aujourd'hui pas le droit de porter de jugement de valeur sur les réactions du régime syrien, vu ce que nous avons fait là-bas. Quand on a fait ce que nos dirigeants ont fait ces dernières années, il n'y a pas de jugement de valeur à porter sur ce que font les autres. Simplement, on est dans le monde réel. On parle de choses concrètes. Ce ne serait pas étonnant qu'à un certain moment, certaines personnes aient décidé de faire comprendre à la population française, en ciblant sociologiquement les gens qui sont le soutien principal du pouvoir français actuel. Parce que c'est la classe moyenne supérieure qui s'est fait tirer dessus, là. Quand on va tirer dans ces quartiers-là, on tire sur la classe moyenne supérieure française. Il n'est pas exclu qu'on ait cherché à faire comprendre que la guerre, ça tuait vraiment, et ça n'arrivait pas qu'aux autres. Xavier. Oui, Michel Drac, donc une petite réflexion sur votre exposé fort intéressant. La première, c'est que l'argument de Bachar el-Assad que vous venez de rappeler est exactement le même que l'argument des autorités israéliennes. Donc dans la région, plusieurs forces parfois opposées ont pu fournir le même argument. C'est tout. Alors, à fait exact. Deuxième chose, vous êtes revenu sur l'État islamique. Donc le discours officiel, on a pu observer que le discours officiel sur l'État islamique était qu'en fait, c'était dans une comparaison avec le communisme, une sorte de stalinisme quand Al-Qaïda serait une forme de trotskisme, c'est-à-dire une nébuleuse internationale, tandis que l'État islamique rechercherait à conforter un ancrage territorial, ce qui est cependant contredit, ne serait-ce que par les attentats. Une autre possibilité aussi envisagée, c'est un attentat qui survient à un moment donné où la France semblait changer de stratégie, ou en tout cas l'infléchir, sur la scène internationale. Je m'explique. La doctrine qui prévalait depuis Nicolas Sarkozy jusqu'à tout récemment était la doctrine Fabius. Bachar el-Assad ne devait pas être sur cette terre, ne doit pas être sur cette terre, il faut éliminer Bachar. Or, Bachar el-Assad est une extrémité du croissant chiite qui va de l'Iran au sud Liban et de fait, la guerre en Syrie a cassé ce croissant chiite. Or, on observe que l'Iran était en train de revenir dans le concert des nations, notamment avec l'accord sur le nucléaire qui a été signé cet été, et que une délégation du MEDEF s'était notamment rendue en Iran en septembre, et que François Hollande devait recevoir le président Rouhani à Paris quelques jours, je crois le 16 novembre, c'est-à-dire 3 jours après les attentats. Or, cette visite a été annulée, ainsi que la visite du président Rouhani au Vatican. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il est possible que cet attentat survient dans que Daesh soit utilisé comme une variable dans des luttes à l'intérieur de la superstructure oligarchique? Alors, c'est une très bonne question. En fait, quand on réfléchit à ce qui se passe, qu'on essaye de comprendre ce qui se passe, on retrouve toujours sur la même question. Mais finalement, qui utilise Daesh ? Alors, pour préciser, Alain Bauer, pour parler de Daesh, a dit que c'était un golem, que tout le monde s'en était servi et qu'aujourd'hui c'était hors de contrôle. Alors, dans quelle mesure est-ce hors de contrôle ? Est-ce vraiment hors de contrôle ? Mais en tout cas, l'expression de golem vient confirmer cette analyse. Ben, je n'en sais rien. Je n'ai pas d'accès aux informations confidentielles, donc je ne peux pas vous répondre. On peut simplement faire un certain nombre de constats de bon sens. D'abord, je crois qu'il y a une première question à se poser sur Daesh. Est-ce que nous sommes vraiment sûrs qu'il y a une unité de la volonté au niveau de ce truc, ce machin, ce bidule qu'on appelle l'État islamique ? Parce que finalement, moi je vais dans une mosquée, je prononce la formule qui fait de moi un musulman, et ensuite je vais flinguer quelqu'un, je fais allégeance au calife al-Baghdadi, je crois qu'il s'appelle comme ça, ça y est, c'est bon, je suis une cellule de l'État islamique, et je peux faire n'importe quoi en me revendiquant de l'État islamique. Est-ce qu'à partir de là, compte tenu des structures organisationnelles, si on peut appeler ça des structures organisationnelles de l'État islamique, est-ce qu'il peut y avoir une unité de la volonté là-dedans ? J'en suis pas sûr. C'est-à-dire qu'il est très possible, si vous voulez, que l'État islamique, ça soit un bourbaki. Un peu comme Al-Qaïda à une certaine époque. N'importe qui, finalement, à condition quand même d'être musulman et d'avoir prouvé qu'il était sérieux dans cet engagement, peut s'en revendiquer, d'après ce que j'ai compris. Je ne suis pas musulman, je ne suis pas arabe, les structures mentales de ce monde me sont complètement étrangères, peut-être que je comprends mal. Mais pour l'instant, c'est ce que je comprends, moi. Dans ma pensée, en tout cas, d'occidental, qui suis habitué à des organisations matricielles ou pyramidales, mais qui sont toujours des organisations structurées, l'État islamique, la logique même, si vous voulez, de l'allégeance à un calife qui va vous rattacher à l'État islamique, ça ne permet pas de dégager une unité de la volonté. Donc ça veut dire que vous pouvez très bien avoir un acte qui est commis par un bout de l'État islamique, dans le cadre éventuellement d'une sous-traitance qui a été conclue avec un partenaire donné, et puis un autre acte qui va être conclu par un autre bout de l'État islamique, dans le cadre d'une sous-traitance conclue avec un autre partenaire. Quelle que soit la nature de l'État islamique et de son unité réelle ou non, on peut quand même remarquer que les déclarations d'Hollande suite aux attentats reviennent à une reconnaissance de fait de l'État islamique. En disant « nous sommes en guerre contre l'État islamique », la France, l'État français, la République française est en guerre contre l'État islamique, revient à une reconnaissance de fait de cette structure dont on ne sait finalement que très peu de choses. Alors, il faut tenir compte du fait que le principal problème des autorités françaises dans les jours qui ont suivi les attentats, c'était probablement de donner l'impression qu'elles savaient quoi faire. C'est un grand classique, hein. Bon, on a opéré quelques frappes, apparemment, on a d'ailleurs déjà commis une belle bavure au passage, j'ai vu qu'on avait tué des écoliers à Mossoul ou quelque chose comme ça, enfin, bon, c'est à vérifier. Ça rappelle tout à fait ce qui s'est passé après le 11 septembre 2001 aux États-Unis. Je crois surtout que ça vaut reconnaissance du fait que François Hollande a décidé de désigner un ennemi qui le dispense d'avoir à en désigner un autre. Parce que finalement, s'il ne disait pas l'ennemi, c'est l'État islamique, il serait obligé de dire quoi ? Ça deviendrait plus intéressant, je pense. Pour revenir sur ce que vous disiez tout à l'heure, Michel Drac, sur cette hypothèse que vous formulez, à savoir que ces attentats du vendredi 13 aient pu être fomentés par les ennemis de la France. Quels sont les ennemis de la France ? Les ennemis de la France, disons qu'il est possible, je dis bien il est possible, c'est une interprétation parmi d'autres, que cette fois ce ne soit pas un inside job. Que cette fois, ça corresponde vraiment à un acte de guerre fomenté par des gens qui sont non pas les ennemis de la France, mais les adversaires de l'OTAN. Donc, la Russie. Alors, ça peut être les Russes. De toute façon, bon, il y a une chose qui est très amusante, enfin amusante entre guillemets. C'est une chose qui est très amusante. Je ne sais pas si vous avez remarqué qu'on nous a expliqué dans les semaines précédant les événements du 13 novembre, d'abord que la Russie ne bombardait pas l'État islamique, parce que le méchant Poutine, dans le sketch que nous joue la propagande occidentale, c'est le méchant Poutine, s'en prenait à l'opposition syrienne modérée, qui n'existe pas, mais c'est pas grave, il peut la bombarder quand même. Et puis ensuite, on nous a expliqué que c'était l'État islamique qui avait fait exploser l'avion russe au-dessus du Sinaï pour punir le méchant Poutine d'avoir bombardé l'État islamique. Alors c'est intéressant quand même. Et ce sont les mêmes qui nous ont dit les deux choses. Hein. Donc d'abord, un, Poutine ne bombarde pas l'État islamique. Deux, pour réagir aux frappes de Poutine sur l'État islamique a fait exploser un avion au-dessus du Sinaï. Donc on a un problème de logique là. Non, mais c'est simplement une remarque au passage. Bon. En fait, tout le monde peut utiliser l'État islamique. L'État islamique, je crois, ça ne veut pas dire grand-chose. Bon. Moi, je ne crois pas, honnêtement, même si je ne peux pas l'exclure, mais je ne crois pas que ça soit les Russes qui soient derrière les actions opérées à Paris, tout simplement parce que ce n'est pas leur intérêt. Ce n'est pas leur intérêt. Ce que cherchent à faire les Russes en ce moment, c'est à faire baisser le niveau de tension et à créer de la stabilité en Eurasie. Donc, c'est, à mon avis, logiquement, ce n'est pas eux qui vont faire ça. Même si on ne peut pas l'exclure. Je rappelle que, encore une fois, il ne faut pas faire d'angélisme. Même un acteur qui n'a pas un intérêt objectif dans l'absolu à faire monter le niveau de tension peut, à un moment donné, pour une raison précise, décider que là, ponctuellement, il a besoin d'enclencher une stratégie de la tension. C'est très possible. Et il ne faut pas croire que parce qu'il y a un camp aujourd'hui qui est absolument abject dans son comportement, qui est effectivement le camp de l'OTAN, l'autre camp serait en quelque sorte constitué de gens purs et vertueux. C'est pas comme ça que ça marche. Bon, donc tout est possible. Cela dit, ça m'étonnerait. En revanche, ce que je pense, c'est que étant donné ce que nous, entre guillemets, occidentaux, et particulièrement la France, entre guillemets, disons les dirigeants français, ont fait ces dernières années, il est maintenant possible qu'il y ait des gens à l'intérieur du monde musulman qui aient décidé que, bon, puisque c'est comme ça, ils vont voir. Ça, c'est pas exclu. Xavier ? Oui, pour compléter ce que vous dites sur Vladimir Poutine, précisons que d'ailleurs la Russie est le seul pays à intervenir en Syrie lors des frappes avec un mandat de l'Organisation des Nations Unies, donc en conformité avec le droit international, puisque c'est Bachar al-Assad qui lui a lui-même demandé l'aide, tandis que la coalition, comme on l'appelle, qui est composée des pays du Golfe et de l'OTAN principalement, agit sans mandat international. Oui, bon, sur le plan, je ne veux pas, si vous voulez, donner l'impression en quelque sorte que je mettrais tout le monde sur le même plan. Il est évident qu'aujourd'hui, en Eurasie d'une façon générale, il y a un acteur qui cherche à créer le chaos parce que c'est son intérêt, et ce sont les États-Unis d'Amérique. Et puis il y a un acteur qui cherche plutôt à promouvoir la stabilité parce que c'est son intérêt et c'est la Fédération de Russie. C'est évident et ça s'explique très facilement, encore une fois, tout simplement en considérant les intérêts objectifs des acteurs. Bon. Mais ce que je veux dire simplement, c'est que nous ne pouvons pas exclure, c'est une réalité, que d'abord, la Fédération de Russie, c'est très grand, l'appareil de renseignement de la Fédération de Russie, c'est très grand, nous ne pouvons pas exclure qu'une branche de cet ensemble ait décidé, au moins de donner un feu vert à des gens dans le monde musulman qui auraient décidé de nous montrer un petit peu ce qui se passe quand on fait la guerre. C'est une chose que nous ne pouvons pas exclure et il faut faire attention. Ces attentats interviennent dans un contexte économique compliqué, un contexte qui passe du coup au second plan dans les gros médias, que ce soit les chaînes de télé en continu et même la presse écrite. Pouvez-vous nous faire une petite présentation, je sais que c'est un de vos domaines de prédilection, de cette situation économique au niveau global et au niveau français ? Ben, aujourd'hui, la situation économique, il faut distinguer deux choses. L'image qu'on peut s'en faire si on regarde les indicateurs qui sont mis en avant par les autorités, et puis l'image qu'on peut s'en faire si on regarde des indicateurs alternatifs. C'est la première chose parce que, tout simplement, depuis quelques années, on peut dire que vraiment la présentation qui est faite de la situation économique par les autorités a progressivement divergé de la réalité de façon de plus en plus sensible. Je vous donnerai simplement un exemple. On pourrait après discuter et faire un long exposé, mais ce n'est pas la peine. Juste un exemple. Vous savez qu'aujourd'hui, c'est un thème de communication qui revient très souvent dans les médias économiques. L'Amérique est, paraît-il, au bord du plein emploi. Et ce serait la raison pour laquelle la Fed envisagerait de mettre un terme à sa politique monétaire, on va dire, plus que laxiste. Bon. Alors effectivement, si vous regardez les chiffres du chômage, les chiffres officiels du chômage aux États-Unis, apparemment le chômage est revenu à un niveau plutôt bas. Bon. Maintenant, vous allez mettre de côté cette présentation, et vous allez regarder un autre indicateur, qui est le taux d'activité. Les économistes savent très bien que les chiffres officiels du chômage, ils sont surtout révélateurs du sens dans lequel le pouvoir veut communiquer. Quand on veut savoir quelle est la vraie situation de l'emploi dans un pays, on ne regarde pas les chiffres officiels du chômage, on regarde quelle est la proportion d'adultes en âge de travailler qui a un boulot. Pour dire la chose simplement. C'est-à-dire qu'on, c'est tout bête, on prend le nombre d'emplois, on prend la population, on regarde la pyramide des âges et on prend la population entre 18 et 65 ans, et on fait un ratio. Bon. Depuis le début des années 2000, le taux d'activité aux États-Unis ne cesse de baisser. Et si ma mémoire est bonne, depuis 2008, les Américains ont perdu 5 points de taux d'activité. Je crois qu'ils sont passés d'un peu plus de 60 à un peu moins de 60, il faudrait regarder les chiffres exacts. Mais c'est comme si vous voulez, un Américain sur 20 qui était au travail il y a 7 ans est aujourd'hui au chômage ou a renoncé à chercher un travail. Voilà, ça c'est juste un exemple. Et si vous comparez, c'est très drôle de comparer la courbe des taux de chômage aux États-Unis telle qu'elle ressort de la propagande officielle, parce que c'est plus de l'information, c'est de la propagande, et la courbe du taux d'activité, vous voyez très bien que la propagande officielle, c'est après la crise de 2008, on a eu un passage à vide, puis on est reparti et tout va bien. Et la réalité, c'est à partir de 2008, on a commencé chaque année à perdre un peu moins d'un point de taux d'activité et on continue. Alors si on vous écoute, la situation est encore pire en France puisque les autorités n'osent quand même pas communiquer sur une situation de plein emploi. Et donc on peut quand même imaginer que le taux d'activité est en fait encore beaucoup plus faible que ce que laissent entendre les chiffres officiels. Quand les chiffres officiels, on vous annonce en gros, en moyenne, à peu près 20 000 chômeurs de plus tous les mois, ce que ça veut dire en réalité, c'est que vous avez à peu près 200 000 personnes qui sont rentrées dans les statistiques du chômage et 180 000 qui en sont sorties. Sur ces 180 000 qui en sont sorties, je donne des chiffres des ordres de grandeur, hein, ce n'est pas des chiffres exacts que je n'ai pas en tête comme ça, là, mais c'est l'ordre de grandeur. Sur ces 180 000 qui en sont sortis, vous en avez une proportion non négligeable qui n'en sont pas sortis parce qu'ils ont retrouvé du travail. Ils en sont sortis parce qu'ils ont cessé de chercher. Ils en sont sortis parce qu'on les a mis sur une voie de garage quelconque, on les a mis sur un stage bidon. Est-ce que vous voyez dans les années à venir un effondrement, un collapse économique ? Alors, il faut s'entendre sur la notion d'effondrement. Pour moi, hein, si vous voulez, ma formation à la base, c'est la gestion industrielle. Pour moi, quand on parle de collapsus, je réagis en spécialiste de la logistique. Pour moi, un collapsus, c'est une rupture des chaînes logistiques. C'est-à-dire que, tout simplement, si vous voulez, on atteint le point où en plusieurs points du système, il y a des failles, des carences qui apparaissent, qui ne sont plus dévulnérabilisables, et donc le système commence à se disloquer entièrement. Honnêtement, je pense que ça, c'est pas avant un certain temps. Parce qu'on a beaucoup de marge encore. Hein, bon. Donc ce collapsus-là, le collapsus au sens, si vous voulez, d'auteurs comme Michael Ruppert, par exemple, ou Piero San Giorgio, pour moi, non, c'est pas pour les prochaines années. C'est d'ailleurs un point de divergence avec Piero San Giorgio. Lui pense que ça arrivera vers la fin de cette décennie. Moi, je pense pas. Je pense que l'on a encore beaucoup de marge de manœuvre et que, si vous voulez, en se durcissant, le système peut encore se maintenir une, deux, peut-être trois décennies. Trois décennies, ça m'étonnerait, mais une ou deux décennies probablement. En revanche, si par collapsus vous entendez simplement une aggravation constante de la situation économique réelle et une baisse très sensible du niveau de vie pour une grande partie de la population, ça, je pense qu'on y est déjà. Ça a commencé. Et est-ce que cette stratégie de la tension, qui est une marche en avant vers la guerre dont nous parlions au début de l'émission, ne serait pas un palliatif à cet effondrement économique ? C'est évident. Enfin, tous les pouvoirs politiques fonctionnent de la même façon. Vous regardez l'histoire. Depuis belle lurette, le pouvoir politique sait que quand il est confronté à une situation de guerre latente des pauvres contre les riches, il faut engager la moitié des pauvres pour tuer l'autre moitié. C'est comme ça que ça marche. C'est ce que Schumpeter appellerait une destruction créatrice. Alors c'est un petit peu différent, la destruction créatrice chez Schumpeter. Lui, il ne voyait pas les choses comme ça. Mais c'est une stratégie qui est très classique, en tout cas. Effectivement, la stratégie de la tension permet tout à fait d'enclencher ce genre de mécanisme. Cette stratégie de la tension est voulue parce que vous appelez dans votre livre vous-même l'empire. Comment définiriez-vous cet empire ? Alors, oui, j'ai repris le terme empire. Il a été introduit au sens où on l'emploie aujourd'hui, je pense, par Emmanuel Todd, peu de temps après les attentats de 2001, dans un livre qui s'intitulait « Après l'Empire ». Et il a été repris et popularisé au sein de la dissidence française par le président de votre association, Alain Soral, « Comprendre l'Empire ». Bon. J'ai repris ce terme, effectivement, parce que je trouve qu'il a le mérite de dire les choses clairement. Il dit clairement que nous sommes confrontés à l'emprise d'une structure impériale, ce qui est vrai. Cela dit, quand on s'intéresse aux catégories exactes de la géopolitique, en fait, il est contestable que la structure qui nous domine actuellement soit à proprement parler un empire. Pour le géopoliticien, la structure qui nous domine actuellement est plutôt un hégémone, c'est-à-dire un État très puissant qui prend la tête d'une ligue d'États qu'il contraint à le suivre. C'est la situation des États-Unis. Mais on peut quand même employer le terme « empire » si vous voulez, parce que c'est un hégémone qui est en train d'essayer de se transformer en empire à proprement parler. Et d'ailleurs, cet empire, dont vous dites qu'il est un État avec une alliance d'autres États, est complètement à l'œuvre, notamment en Syrie, où on voit s'affronter deux camps, si on enlève Daesh, deux camps, d'un côté les États-Unis, c'était ce qu'on appelle l'Occident, c'est-à-dire les États-Unis, l'Union européenne. Et il n'y a pas d'Europe de la défense parce qu'en vérité, l'Europe de la défense, c'est l'OTAN, donc l'alliance militaire avec les États-Unis, avec la Turquie et les pays du Golfe et Israël, donc une alliance anti-Bachar avec un autre bloc qui regrouperait la Russie, la Chine, l'Iran et l'alliance économique qu'essaye de créer Vladimir Poutine, notamment avec les BRICS. Donc on serait là face à des nations qui voudraient garder leur indépendance face à justement cet empire qui est ce conglomérat de nations mené par les États-Unis. Ben, si vous voulez, ce que j'explique dans la première partie du livre, là, Triangulation, c'est que par la force des choses dans n'importe quel système, tous les conflits vont toujours finir par s'adosser au conflit entre le plus fort et le deuxième plus fort. C'est l'ordre des choses. On peut employer une image amusante pour se représenter ça, c'est la cour d'école. Vous savez, dans la cour d'école, il y a toujours le grand costaud qui fait régner la terreur dans la cour d'école, et puis il y a toujours un deuxième grand costaud qui est un tout petit peu moins fort, mais enfin qui peut peut-être quand même, on ne sait jamais, sur un match, lui en coller une. Et alors vous avez toujours des suiveurs qui vont se mettre derrière le grand costaud, parce que comme ça, ils sont protégés. Et puis ils peuvent aller discrètement voler leurs 4 heures à ceux qui ne sont pas protégés par le grand costaud. Donc ceux qui se font voler leurs 4 heures vont se mettre derrière le deuxième plus grand costaud. Et ça va fabriquer comme ça des camps dans la cour d'école. Bon, et il se peut aussi que un des grands costauds distribue des bonbons pour avoir avec lui des petits. Bah, comme il peut lui voler tous les 4 heures qu'il veut, il peut ensuite les redistribuer à sa guise. C'est comme ça que ça marche. Alors Michel Rex, si vous permettez, je vais vous citer dans une partie de votre livre. Vous cherchez à qualifier la nature de cet empire. Vous l'intitulé du chapitre, c'est « Sous la peau du serpent ». Donc je vous cite, et ensuite vous commenterez ce passage. « Voici ce qu'il faut bien comprendre. L'empire britannique est toujours là. Il a simplement changé de peau comme un serpent. Cela ne lui a posé aucun problème, il n'avait de toute façon jamais été anglais, ni même réellement britannique. Il se pose forcément la question délicate du principe qui assure la persistance de cet être en lui-même s'il peut changer de peau constamment. De quoi est faite la chair sous la peau du serpent ? Aujourd'hui, au moins, aussi juive que protestante sur le plan religieux, l'hyperclasse impériale s'est, semble-t-il, convertie à une doctrine schizophrène, un endroit cosmopolite et un envers sioniste. Et sans doute, en effet, l'influence du monde juif est-elle aujourd'hui disproportionnée, ce qui fait croire à beaucoup que la substance de l'Empire est intrinsèquement liée au judaïsme. Mais ici un argument surgit, qui oblige à relativiser cette thèse. L'influence juive n'est pas structurelle. Jusqu'à la fin du XIXe siècle, l'Empire des capitalistes ne fut juif qu'à la marge. Des signaux encore faibles, mais bien présents, laissent en outre penser que demain, par exemple, en contre-coup de l'intégration des classes dirigeantes des BRICS, l'élément juif pourrait redevenir marginal. Si cela advient, il est possible que l'empire des capitalistes cesse d'être unitaire. Mais ce n'est pas certain. Et de toute façon, le capitalisme comme système n'en mourra pas. Michel Drac, le judaïsme n'est pas consubstantiel du capitalisme ? Oui, je crois, oui. Bah, c'est un fait historique. Alors là, on passe un peu, on saute plusieurs étapes en quelque sorte dans le raisonnement par rapport à ce qu'on a vu tout à l'heure. Bon, dans le livre, je parcours ces étapes, hein, c'est-à-dire que j'essaye d'expliquer, à mon avis, c'est ma thèse, l'origine historique de l'Empire, entre guillemets, dont nous parlons aujourd'hui. Bon. Et quand je trace la généalogie de cet empire, qui est aujourd'hui principalement américain, en fait, je m'aperçois qu'avant d'être américain, il a été britannique. Et que d'ailleurs, encore aujourd'hui, il est en partie britannique. C'est-à-dire que Wall Street, c'est la plus grosse capitalisation boursière, mais le marché des changes, c'est Londres. C'est-à-dire que quand on remonte au principe du système, c'est-à-dire la gestion des marchés monétaires, on est bel et bien à Londres. Oui, effectivement, cet empire du capitalisme bancaire international, il n'est pas juif par essence. Pendant longtemps, il ne l'a pas été. Jusqu'au début du XIXe siècle, l'élément juif est tout à fait secondaire à l'intérieur de la haute finance internationale qui anime l'Empire britannique. Il existe. Pour des raisons historiques complexes, il y a toujours eu une fraction du monde juif qui s'était engagée dans les métiers d'argent. Bon, d'une façon générale, pour des raisons historiques, les juifs se sont engagés tout simplement dans des métiers qui leur permettaient de bouger facilement. Parce que à partir d'un certain moment, pendant le Moyen-Âge, il leur a été très difficile de posséder de la terre. Parce que aussi, sans doute, il y avait en eux un besoin de mobilité lié au fait qu'ils se sentaient à part de tous les peuples au sein desquels ils vivaient. Donc ils se sont spécialisés dans toutes sortes de métiers dont la particularité est qu'on pouvait emmener en quelque sorte son outil de travail avec soi très facilement. Donc vous avez eu des juifs dans les artisanats d'art, par exemple, ce genre de choses, ou vous en avez eu dans les métiers d'argent, puisqu'effectivement la particularité du banquier, c'est que c'est très facile pour lui de voyager avec son outil de travail, c'est-à-dire son capital, qui est par nature mobile. Bon. Mais ça, pendant longtemps, ça a été un élément marginal. Vous prenez la haute finance de l'Empire britannique au XVIIe et XVIIIe siècle, elle est protestante, elle n'est pas juive. Et est-ce que la place prise par le monde juif, justement, dans cet empire, ne s'est pas accrue jusqu'à devenir prépondérante, grâce au bagage conceptuel, on pourrait dire, ou à l'appréhension du monde fourni par la religion mosaïque ? Alors, comme le pense Jacques Attali, par exemple. Oui, alors, d'abord, ce qui est très drôle avec Attali, c'est que finalement, quand on l'écoute, par moments, on se dit, mais en fait, il est antisémite, quoi. Oui, c'est les protocoles des sages de Sion en permanence. Ça, c'est... Attali, il a un côté très drôle. Fabuleux, oui. Il nous récite les protocoles des sages de Sion, simplement, lui, il dit, c'est bien, quoi. Bon, enfin, honnêtement, je ne le pense pas. Je pense que, pour dire les choses simplement, Attali, qui d'ailleurs dit parfois des choses justes et intéressantes, je veux dire, c'est pas nécessairement un imbécile, mais je pense qu'il y a un côté sketch assez prononcé chez le personnage. Pour être honnête, je ne crois pas que sa grille de lecture soit appuyée sur un examen objectif et dépassionné des réalités. Je pense qu'elle traduit quand même beaucoup ce que j'aurais tendance à appeler une certaine folie des grandeurs propres à... Un prophétisme. Voilà, un prophétisme. Judéo-centré. Un petit peu judéo-centré, un peu de bazar, quoi. Bon, honnêtement, c'est mon opinion. Bon. Donc, je crois que, si vous voulez, ce qui s'est passé historiquement, forcément, dans la finance juive avait un très gros avantage compétitif, de par son internationalisation complète, de par sa capacité à échanger de l'information en son sein, à en pomper à l'extérieur. Vous savez que c'est intéressant de noter que les deux peuples dans le monde qui sont vraiment les plus spécialisés dans la banque, en tout cas dans le monde occidental, ont une particularité commune. C'est-à-dire les Suisses alémaniques et les Juifs. Ils parlent une langue qu'ils sont quasiment les seuls à parler. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé... Oui, le Suisse allemand, c'est... Le Suisse alémanique est complètement inintelligible pour un germanophone. Oui. C'est totalement... Bon, c'est intéressant à noter, quoi. Je veux dire, bon, peut-être qu'il y a un lien. Peut-être que le fait de pouvoir échanger facilement des informations sans que les autres le voient, ça aide dans certains cas. Une hypothèse intéressante. Bon, ça leur a donné un avantage compétitif. Et puis, à partir de là, effectivement, il y a une réalité qui s'est créée progressivement. et qui est qu'aujourd'hui, cet empire qui a au départ été incubé par des réseaux qui émergeaient d'une fraction du monde protestant, mais j'explique dans le livre d'ailleurs qu'il ne faut pas tomber dans l'essentialisme, c'est-à-dire qu'en réalité, ce n'est pas parce que ces réseaux de pouvoir émergent d'un monde que la substance de ce monde définit la substance de leur pensée. D'ailleurs, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais quand on s'intéresse en détail à l'histoire du protestantisme, on réalise que la construction de la haute finance protestante n'a été possible que par une forme d'apostasie. C'est-à-dire qu'en fait, ce sont des calvinistes qui sont sortis du calvinisme pour pouvoir devenir ce qu'ils sont devenus. Bon. Je pense qu'on a quand même très largement la même chose chez les juifs, même si c'est plus subtil, c'est une pensée plus sophistiquée, qui a plus de capacité à se redéployer. Bon. Mais je pense qu'on a quand même un peu le même phénomène qui s'est produit. Donc voilà, à un moment, ça a émergé comme ça parce que il s'est trouvé qu'il y avait un groupe qui était en situation de faire émerger cette structure de puissance et qui émergeait du monde protestant. Et puis à un autre moment, cette structure de puissance a été progressivement colonisée, récupérée par un autre groupe qui est effectivement très largement issu du monde juif. Je crois que c'est un fait historique. Mais je ne dirais pas, comme Jacques Attali, que c'est parce qu'il y aurait en quelque sorte une... Enfin, l'essentialisme d'Attali me dérange. Ça sous-entend que la façon de penser, si vous voulez, qui a été incubée il y a 2500 ou 3000 ans, qui a connu toutes sortes de renversements dialectiques, peut naturellement et spontanément entrer en communion avec la logique et l'esprit du capitalisme. Mais de toute façon, il suppose là une absence de dialectique à l'intérieur de la pensée juive qui est tout simplement fausse. Il suffit de lire l'Ancien Testament pour le voir. Michel Drac, on a parlé tout à l'heure de la situation catastrophique. Vous parlez même de collapse potentiel du système économique mondial. Face à ce collapse, quelles sont les solutions que vous préconisez? Je sais que vous parlez de soit prendre d'assaut la Bastille, soit prendre le maquis. Ça, ce sont les solutions que vous envisagez? La Bastille, c'est déjà fait. Bah oui, avec des résultats d'ailleurs. Oh, c'est assez discutable. Je pense que quand vous êtes confronté à un pouvoir qui est un pouvoir de plus en plus difficile à supporter, hein, objectivement, effectivement, vous avez deux solutions. Ou bien vous contestez le pouvoir, ou bien vous essayez de vous cacher, de vous mettre hors de sa portée. Aujourd'hui, il y a une force qui est capable de contester le pouvoir, peut-être. C'est intéressant, c'est le Front National. Je pensais encore il y a quelques années que ça ne pouvait pas arriver. Parce que je me disais, en gros, les États-Unis, cet empire dont on a parlé là, sont encore dominants jusqu'en 2030 ou quelque chose comme ça. Il n'y aura pas les moyens pour un parti de rupture en France d'arriver au pouvoir et d'espérer s'appuyer sur des forces internationales pour changer les choses. Eh bien, je me suis trompé. Il y a peut-être encore moyen. Parce que je crois qu'en réalité, au-delà du côté village Potemkin très bien soigné de la propagande officielle, la réalité c'est que cet empire dont on parle là est en train de se défaire, de s'effriter beaucoup plus vite que ce qu'on pouvait penser a priori. Donc il y a peut-être une possibilité. Bon, on va voir. De toute façon, à mon avis, c'est maintenant ou jamais. C'est-à-dire que c'est dans les années qui viennent qu'il y a une vraie rupture qui peut se produire. Et si elle ne se produit pas, ensuite c'est fini. Et effectivement, si cette rupture ne se produit pas, pour des gens comme nous, qu'est-ce qui va rester comme option? Le maquis. On n'a pas du tout les moyens d'entrer en lutte frontale contre ce pouvoir, ça n'existe pas. Alors le maquis, je crois que vous, c'est un secret pour personne, vous possédez une base autonome durable. Est-ce que vous pouvez nous présenter les inconvénients, les avantages de cette structure? Ce que ça implique au niveau organisationnel? Alors, disons, je vais vous résumer un petit peu ce que j'ai appris au bout de quelques années de cette expérience. D'abord, j'ai appris que ça prenait beaucoup de temps. C'est-à-dire qu'il ne faut pas croire que vous allez vous installer à la campagne, monter une banne en 2 ou 3 ans. Vous commencez, vous êtes parti pour 10 ans. Parce qu'il faut le temps de faire les travaux, parce qu'il faut le temps d'apprendre... Parce qu'il faut vous attendre forcément à échouer dans certaines choses, à devoir y revenir plusieurs fois avant de réussir. Ça prend du temps. Ça, c'est la première chose. C'est-à-dire que Si vous voulez, en 2025, avoir une BAD qui vous garantit votre autonomie, vous vous lancez maintenant. Nous, on s'est lancé en 2010. On aura, je pense qu'en 2020, on sera vraiment autonome. Et donc, c'est une démarche sur le long terme. C'est une démarche sur le long terme. Évidemment, ça dépend de ce que vous appelez une BAD. C'est-à-dire que si pour vous, une BAD, c'est simplement un lieu à la rigueur habitable avec un gros stock de bouffe dedans, ça se fait en 3 mois. Ça, c'est pas un problème. Mais si vous voulez... Oui, c'est pas un abri anti-atomique, quoi. Voilà. C'est une vraie structure si vous voulez une vraie structure autosuffisante, il faut 10 ans. Il faut compter 10 ans. Bon. Donc, la façon dont on s'est organisé, nous, et je pense que c'est la bonne, on l'a trouvé un peu par hasard, mais je crois que c'est la bonne, c'est qu'on a fait quelque chose de très souple. Donc, les gens ont mis une certaine somme à l'intérieur, ça a permis d'acheter le bâtiment, de faire les travaux. Parce qu'il y a des choses, bon, il faut acheter le matériel, puis il y a des choses, les amateurs ne peuvent pas les faire. Hein. Vous pouvez, la petite maçonnerie, vous pouvez le faire, la petite électricité, vous pouvez le faire, ce genre de choses, mais quand il s'agit de faire un gros travail de maçonnerie, il faut une entreprise, il faut des professionnels. Hein, ça, c'est, bon. Voilà, bon, et puis il y a une cotisation pour le fonctionnement, et puis par ailleurs, tout le monde a un quota d'heures à faire chaque année. Ça fonctionne bien, ça fonctionne bien, ça se monte petit à petit. On a fini la partie de retaper la principale habitation, si vous voulez, qui est très grande. Hein, bon, y a de quoi loger 5 personnes, très bien même. Bon. Et puis, on a bien lancé maintenant le potager. On commence à savoir faire. La prochaine étape, là, maintenant, je pense que c'est l'énergie. Bon, l'eau, pour nous, c'est pas tellement un problème, parce qu'on est en Normandie, si vous voulez, donc... Enfin, personne n'est jamais mort de soif en Normandie, hein, ça n'existe pas. Voilà, qu'est-ce qu'on peut en dire Et alors, est-ce que l'autonomie n'est pas quelque chose de relativement utopique? Et est-ce que, pourquoi ne pas plutôt parler de rapport économique ou de solidarité entre plusieurs bases autonomes durables, plutôt que d'une autonomie qui est finalement inatteignable? Ah mais bien sûr, quand on dit l'autonomie, c'est pas l'autonomie dans l'absolu, c'est l'autonomie par rapport à la machine industrielle. Ça veut dire en gros que si pour une raison quelconque nous nous faisons exclure du système, ou parce que le système se casse la gueule, parce qu'après tout Pierrot peut avoir raison, eh bien, ça, pour nous c'est pas un problème. Enfin, c'est pas un gros problème. Voilà. Mais c'est pas l'autonomie, c'est pas une île, hein. On n'est pas une secte, il y a pas de voilà. C'est simplement le retour à la possibilité en tout cas à tout moment de revenir au mode de vie qui était celui de nos ancêtres et qui n'exigeait pas de liaison logistique à longue distance, qui n'exigeait pas de consommation énergétique importante et qui permettait de vivre très décemment ma foi avec simplement des relations de voisinage, de bon voisinage, voilà. Donc pour résumer, une autonomie par rapport à un système de production dont on pense qu'il pourrait s'effondrer. Oui, tout à fait, c'est de ça qu'il s'agit. C'est pas l'autonomie absolue du... Non, il n'y a pas de raison. Oui, c'est pas Robinson Crusoe. Non, non, pas du tout. Michel Arac, dans une de vos vidéos, vous parlez des Français d'après la France. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus? Oui, c'est un constat, je dirais, factuel. Bon, je pense que dans cette pièce, on est tous français. Bon, je pense qu'on a tous le français comme langue natale. Je pense que notre façon de penser est française. Je pense que notre sensibilité est française. Notre culture, à la base, est française. Donc, nous sommes français. Et même si la France n'était pas là, on serait encore français. Maintenant, imaginons que l'évolution actuelle soit poursuivie encore quelques années, il n'y aura plus de France, en fait. D'ailleurs, les attentats sont venus révéler cette décomposition du sentiment d'appartenance nationale. Un signe très révélateur, hein, c'est à partir du moment où Hollande a éprouvé le besoin de demander aux gens de mettre un drapeau à leur fenêtre... Et que personne ne l'a fait. Et que d'ailleurs personne ne l'a fait. Parce qu'il faut reconnaître une chose aux Français, ils ont quand même un avantage qui va toujours leur rester. Ils ont le sens du ridicule. Bon. C'est bien le signe qu'on s'américanise. Parce que dans les pays normaux, on n'a pas besoin de mettre un drapeau devant dans sa maison. On est français, point. On n'a pas besoin de le dire. Pourquoi aux États-Unis, ils ont besoin de mettre un drapeau américain? Parce que ça ne va pas de soi. Bon. Là, on est en train de se décomposer. Si on imagine que ça se prolonge encore un certain temps, on va se trouver dans une situation. La France, entre guillemets, ça sera un pays qui sera standardisé, occidentalisé, américanisé, avec des McDonald's, des KFC, des machins comme ça un peu partout, ou une population qui sera là parce qu'elle pouvait là ou ailleurs quoi, va se promener en échangeant dans un français sommaire ou un globiche quand on est entre gens qui parlent même pas le français. Et puis y aura peut-être encore le maintien de la fiction d'une République française, mais en fait ça, toutes les décisions seront définitivement prises à l'échelle européenne, puis à l'échelle euro-atlantique. C'est le monde que nous avions décrit dans un roman d'anticipation collectif rédigé il y a quelques années qui s'intitulait Eurocalypse, où on décrivait ça. Mais nous, on sera toujours là. Nous, les Français, on sera toujours là. On sera des Français d'après la France, un peu comme il y a eu jadis des Gaulois d'après la Gaule. On sera dans des réserves avec une foule, avec autour une foule de consommateurs métissés du grand marché mondial. Vous avez vu le film Idiocratie ? Oui, je l'ai vu. Oui. Bah c'est oui. D'ailleurs, c'est assez. Le film assez juste. Hein. Ça devient de plus en plus crédible. Effectivement, je ne sais pas si c'est Idiocratie qui a fait faire tilt la machine. C'est la machine, peu importe. C'est notre devenir. Mais bon, il va falloir éventuellement s'y préparer, quoi. C'est pas très optimiste tout ça. Non, c'est réaliste. C'est réaliste. C'est comme ça. Hein. Et vous voyez vraiment aucun espoir alors. Un réveil, même pas un... Donc vous avez parlé du Front National, un sursaut national, vous le pensez envisageable ou de toute façon les forces sont telles qu'elles empêcheront ce sursaut national s'il venait à poindre? Je sais pas, je pense que l'avenir n'est jamais écrit. Ce que je pense c'est que si dans 10 ans la population française ne s'est pas réveillée, après, je pense que ça sera fini, quoi. On aura passé le cap au-delà duquel on est des Français d'après la France. Les Indiens d'Amérique. Oui, ben, ça peut être plus intéressant que ça, hein, parce qu'on ne sera pas dans la position des Indiens d'Amérique. Vous savez, la population française, il y en a quand même une forte proportion. C'est des gens qui sont très bien formés, qui ont un très haut niveau. C'est pas les Indiens d'Amérique. Ça peut être autre chose. Ça peut être un de ces peuples qui se retrouvent en quelque sorte absorbés dans une entité politique beaucoup plus grande. Et ça peut, vous savez, un de nos avenirs possibles, c'est Byzance. Peut-être que ce grand empire-là qui nous absorbe va s'écrouler et que à ce moment-là, il faudra faire émerger quelque chose de nouveau. Pourquoi pas une communauté internationale, à l'instar des Juifs ou des Arméniens? On voit que beaucoup de Français quittent la France, ils sont installés à Londres, au Québec. Pourquoi pas un système diasporique international, c'est aussi à envisager. Ça aussi, c'est une possibilité. Ce serait une curiosité, mais pourquoi pas. Et puisque nous sommes, il va bien falloir que nous devenions. Michel Drac, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. C'est moi. Je rappelle à nos auditeurs que votre livre « Triangulation, repères pour des temps incertains » est disponible sur le site contreculture.com au prix de 19 euros. Enfin, nous allons conclure cette émission en musique sur les notes de La Mota. Son album « Bande originale » est disponible lui aussi sur le site contreculture.com. Le morceau que nous allons écouter s'appelle « Marche pour la Grande Armée ». Bonne écoute à tous et à la semaine prochaine.